À l'occasion du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le Cercle suisse d'études des idées du Juche a fait paraître en brochure son œuvre classique, conclusion prononcée à la session plénière du mois de mars 2013 du Comité central du Parti du Travail de Corée. Le service de parution a eu lieu à Bâle.